chiens m'attendent sur le trottoir, vieux punk déguisé dérisoire. Parfait pour le dernier mélo, j'ai peur de ma gueule dans le rétro. Y'a du soleil chez les paumés, de la fantaisie chez les camés. Je retourne au tarpé à la bière, même si je n'ai plus de partenaire. Bonne branlette me suffira, tout ça bien loin d'Al-Qaïda. Je n'ai que ma voix de faux crooner pour partouzer tout l'univers. J'irai graver mes initiales sur la belle pierre dominicale, le monument dédié aux morts. Silence car le soldat s'endort. Je serai grand, je serai très propre, je serai le plus beau, je serai au top. Je pisserai dans tous les bénitiers, je dégueulerai ma variété. Ce sera la fête chez les babos, je l'aurai dans le cul, je l'aurai dans l'os. Maquillé comme une vieille putain, je vendrai mon corps au sacristain. M'attendent sur le trottoir, vieux punk déguisé dérisoire. Parfait pour le dernier mélo, j'ai peur de ma gueule dans le rétro. Y'a du soleil chez les paumés, de la fantaisie chez les camés. Je retourne au tarpé à la bière, même si j'ai plus de partenaire.